qu'elle est morte. Clap. Bon, on fait pas le clap, attention. Oui. Clap. Super. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Je sais pas à quelle heure vous enregistrez. Vous écoutez, pardon. Nous, on enregistre. Il est 17h51. C'est parti. On est en direct, ouais. Ouais. Bonjour en à direct, tous. En direct live. On est en direct live. C'est parti. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi. C'est Bob. C'est Seb. C'est par Seb. C'est par Seb. Excellent. Salut à tous. Et ben nous voilà tout simplement au deuxième jour des lunatiques hein, à passer dans le ouais. 35, hein, qui est le passé qui est un arrondissement de Rennes, si ma mémoire est bonne. Enfin voilà, on s'en fout, petite question pas très géographique. Mais, ouais, ouais, mais c'est pour Rennes. Recontextualiser les choses. Donc voilà, et ben il est 17h51. Du coup on enregistre ressenti un petit peu tard, mais ressenti 22h, la fatigue commence à nous tirer un petit peu dessus, mais sinon non, on est bien, on est pas mal. Bon, après il y a un petit peu de vent, la météo c'est pas top, mais on n'est pas là pour faire un point météo. Donc voilà, quoi dire, on a déjà vu quand même deux concerts, c'est ça. On a vu quoi, Seb? Dissolve en ouverture. Waouh, ouais. Wow, Dissolve, c'est... C'était excellent. Ah, c'était dingue. Ça envoyait, hein, ça envoyait grave. Pas mal du bois, hein, c'était pas mal. Et du coup, on n'a pas été voir le concert dans la petite salle. Ouais. Et on a enchaîné sur Maudit, qui est top de chez top. Je recommande à 1000%, 10 000% même. Moi aussi. Est-ce que vous voulez que je fasse des gros recherches kiff. Un peu sur chaque groupe, histoire de dire bah, un c'est peu un petit ce qu'ils peu, font, là, on est en train d'enregistrer, en fait. C'est ouais, un petit peu tard, on aurait dû faire ça non, en amont. Non, mais Dissolve, qui est un groupe de thrash, death, jazz, prog, qui vient de Rennes. Voilà, ouais, juste okay. Pour faire un petit... Voilà, si les gens ont envie ouais, de mais si, après, on s'en fout d'où ils viennent. C'est un groupe qui est récent, en fait. C'est pour aussi que... Parce qu'il est de 2023, le groupe. Donc, ah ouais, donc... Franchement, ouais, ils gèrent. Mais... Ils ont dit qu'ils ont fait leur premier... Ils se disaient qu'ils ont fait leur ouais, premier concert. Au warm-up, ouais. Impressionnant, quand même. Il y a deux ans. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ils gèrent, hein, sur scène, ils remplissent bien et tout. Ah ouais, complètement. Vraiment bien. Ok. Et ouais. Donc, merci pour Dissolve. Du coup, Maudit. Alors, Maudit, attends, je ressors. Ah ben voilà, super. Post-troc. Elle ne fait pas son taf. De Paris. Post-rock de Paris okay. Paris et Reims, du coup. Paris et Reims, c'est vrai qu'ils ont précisé, ils nous l'ont dit. Donc, voilà. Du coup, on n'a pas grand-chose de plus à dire. On essayera de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit bah, peu comment ça se passe. On peut dire que Maudit, c'était énorme, c'était une putain de claque. Mais oui, mais c'est génial. Ah, nous, on l'a dit, en fait. Toi, t'écoutes pas. J'ai pas eu le temps. Toi, t'écoutes pas ce qu'on dit. On va trop vite, là. On n'enregistre pas assez longtemps, en fait. Ah oui, d'accord. Mais ça fait quand même 2 minutes 41 qu'on enregistre. Du coup, ça va, on c'est peut énorme. Parler un peu plus, je pense. C'est un quart du festival. En plus, donc on pourra revenir tous les deux concerts et puis on fera 2 minutes d'enregistrement. Non, mais Maudit, ouais, c'était vraiment énorme. Je vous invite à vraiment aller écouter. C'est trop, trop bien. Et en plus, ils ont un deuxième album qui sort bientôt. Ok, le c'est cool. Novembre. Exactement, ouais. Voilà, tout est dit. Tout est précis, c'est bien. Messieurs, dames, on va finir nos petites bières et puis on va aller voir le concert de Bubble Grunge. Je vais m'arrêter au merch. Au on sait ce que t'en penses. Au stand Maudit. Tout à fait. Donc voilà, ouais, c'était assez rigolo, mais on en reparlera. Donc voilà, plus approfondissément, c'est un mot qui ne veut strictement rien dire, mais des ouais, fois on invente des mots grave. Comme ça. Le principal, il a rien, c'est qu'on réussi. Comprenne. Le principal, c'est qu'on se comprenne, exactement. Je pense qu'on sait très bien. On vous souhaite des bisous et on vous dit peut-être à tout à l'heure si on est là tout à l'heure. Peut-être. Voilà, tout simplement. Peut-être. Okay. Peut-être. Peut-être. Allez, des bisous. Bisous. Chose promise. Chaume du, comme dirait l'autre. Waouh! Wow. Ouais, je sais, humour putain, quand tu nous tiens. Stack. Nous revenons vers vous. Il est 21h29. Il y a une faille passion temporaire. On est tombé dans Sliders. Un trou noir en fait. On a été aspiré. Exactement. comment dire? Voilà, on a vu moult. On s'est arrêté à quoi? Concert. On s'est arrêté au deuxième. Au troisième concert. Donc. Troisième du coup. Deuxième convoyé, voilà. Non troisième. Donc, c'était ça. J'ai plus les noms, mais après c'était sympa. Hein. C'était Maudit. Ce serait bien qu'on reprenne. Mais oui, tout à fait, c'était Maudit. Des gars sympas au demeurant. Maudit, c'était vraiment trop bien. Une putain nos, de claque, on va beaucoup en reparler amis, d'ailleurs. On peut le dire. C'est ouais, c'est des nouveaux copains en fait. C'est ça. D'ailleurs, on a prévu d'aller se faire tatouer tous ensemble. Au stand de tatouage tous ensemble. Il y en a qui ont Clément et nous on a Maudit. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Tout le groupe. Eh ouais, parce que nous on est sympa avec tout le monde. Et tout le monde est sympa. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu après Maudit? Dis-nous, mon bon Seb, toi qui t'y connais. Parce que vu qu'on capte rien. On a vu la fin de Yarostan. Oui, c'est vrai. Ça avait l'air vachement pas mal. Carrément, quoi. Du coup, ça a été vachement court. Ouais, c'est dommage. Très, très intense. On les loupera pas la prochaine fois qu'ils passeront. Intense et c'était super bien. Franchement, trop bien. Vraiment bien. Ah oui, à revoir. Hein. Franchement, je pense que. Une énergie de ouf sur scène, quoi. Oui. Ensuite, nous avons vu Dull. Trop, trop bien aussi. Un groupe de Doom Synth. Notre premier concert dans la salle Pluton. Oui. C'était vachement bien. C'était super sympa. Très cool. Très bonne ambiance. La proximité avec le groupe était vraiment top. C'est ça. Pas un style que j'écoute d'habitude, mais là, je voulais voir. J'avais écouté, ça m'avait plu. C'est toi qui nous a attirés dans cette petite salle. Oui, complètement. Je crois que personne n'a regretté. Non, complètement pas. Franchement, c'était vraiment sympa. Ouais. Deux, à suivre. C'est ça. Ensuite, nous avons fait Albert Jupiter, un duo. Alors, comment on pourrait classer Albert Jupiter. Prog, non ? Ah, la vieillesse, non. C'est pas beau. Krautrock. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je ne sais pas. Encore un nouveau genre, on sait pas. C'est exactement ça. C'est un groupe de Rennes. C'est un groupe de Rennes, d'accord. D'où le sac à dos. Il l'avait dit, je crois, de toute façon, il avait dit qu'ils étaient, ils connaissaient bien les lunatiques et tout ça. Oui, parce que ça chante pas. Enfin, ça ne sait pas faire de la musique avec ses petites pattes, que je veux dire. C'est ça. C'est pas possible. Et nous nous sommes arrêtés là, parce que là, actuellement, il y a Lorsque les volcans dorment qui jouent. Ouais. Nous, on ne joue pas avec eux. Non, voilà, on a fait une petite pause pour toi. C'est ça. Nous, petite pause. De l'eau. Voilà. Boivage d'un coup. Ouais. Donc, avant la dernière ligne droite. Avant la dernière ligne droite qui s'avère être Sylvain à 22h. C'est ça ? Exactement. Voilà. Ouais. Qui va enchaîner avec. Limbe. Limbe. Et ensuite. Pour finir par Matras. Pour finir par Matras. Oui, Limbe. On a écouté Limbe. Ouais, Limbe. Donc voilà, c'était sympa. Donc, j'ai encore pas fait la vidéo, il va falloir que j'essaye de faire la vidéo. Donc voilà, on vous retrouve si on vous retrouve. Si on vous retrouve pas, c'est qu'on vous aura pas perdu. Voilà, exactement. On vous fait des bisous. À plus tard. Allez, bisous. Bisous. Clap. Sur la route du retour, et donc on n'a pas fini notre report sur les lunatiques, donc on va reprendre. Voilà. Alors on s'est arrêté à quoi tout à l'heure? On a abandonné. Ouais, on a abandonné. Comme des lâches. C'est vrai. On est vieux, on la est fatigue. Vieux, on est à chier, on est tout petit. On le mérite pas. Alors donc du coup on avait fini avec quoi tout à l'heure, je me rappelle pas. Je ne sais plus, c'est Seb en fait qui avait assuré et du coup on n'a pas Seb. On avait fini le petit concert, après. Il y avait Dole. Ouais. Après Dole, on avait vu Jupiter. Alors quand merde, comment c'est ? Ah, super, hein, bravo les professionnels. Albert Jupiter, on avait vu, on est ressorti, Seb lui il est parti manger, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est là qu'on a fait notre petit retour surtout. Et du coup, on s'est préparé pour aller voir Sylvain, tout simplement. Ouais, c'est ça. On attendait pour 22h en fait. C'est ça, on a enchaîné sur Sylvain à 22h en fait, et franchement, une putain de claque. Ah ouais. C'était bien cool. Après je les avais déjà vus, mais franchement très content de les revoir, c'était vraiment top. Putain, ça tabasse, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. C'est vrai ? Ah ouais, non, vraiment pas quoi. Je m'attendais à un truc plus aérien, puis en fait c'est carrément du post-metal, enfin je veux dire, ça envoie quoi vraiment. Ouais, grave. Putain. Et visuellement tout est psychose, quoi. C'est des putains de disques. De musiciens, pardon, tout est hyper bien géré, la lumière est belle. Bonne ambiance. Ils sont adorables. Vraiment, ils communiquent avec le public et tout. Enfin, c'était vraiment Elle est adorable, hein, franchement. Ouais, et puis les petits mots en français. Franchement, c'était cool. Ils ont la banane à la fin en plus, ils font des grands sourires. Ils sont vraiment contents d'avoir reçu et de nous avoir donné. Donc, franchement, c'était vraiment, vraiment top. Un bon concert. Hein. On a bien fini notre lunatique. Je sais pas s'ils entendent parce qu'il y a Maiden qui braille depuis tout à l'heure. C'est vrai que Maiden, dis-nous, sur RTL, c'est ouf quand même. Et donc, du coup, bah, on a décidé finalement de rentrer parce que bah, y a quand même 1h30 de route. Donc, on s'est dit que bah, on allait passer derniers concerts. Ouais. Parce que, bah, parce ouais, que voilà, désolé pour rentrer. Eux, je sais qu'ils vont le regretter de ne pas nous voir devant eux, mais bon. C'est que ce n'est que partie remise, comme on dit. Exact. Et en tout cas, un grand merci aux Lunatiques parce que franchement, ouais, c'était encore des super concerts, des bonnes rencontres, une bonne ambiance. Franchement, vous êtes au top, c'était vraiment top. Et on a appris qu'ils sont une cinquantaine de bénévoles, quand même. Oui, c'est vrai qu'on a parlé avec les bénévoles aussi. Et les bénévoles sont très sympas aussi. Ça paraît pas comme ça, mais et voilà, ça va recouiner. Désolé. Et on n'a pas réussi à trouver quelqu'un avec un bracelet vert, par contre, pour faire de l'investigation. Bah, en fait, les bracelets verts, c'est les Icos. Ah oui, mais normalement, ils m'ont dit, c'est les bracelets verts qu'il faut poser les questions. Ouais, ça se trouve, ils t'ont un turbo. Ouais, peut-être. Pour faire une blague honnête. C'est vrai. Donc voilà. Bah oui, on n'aura pas d'avis sur Mantra, c'est sur l'avant-dernier, je ne sais plus, désolé. Mais en tout cas, voilà, sachez que... Oui, mais on aura le retour de Seb exactement, par la suite. Exactement, tout à fait, parce que lui, on l'a quitté en fait dans la petite salle Jupiter. Il était vraiment devant la salle. Devant Limbe, ouais, il est resté pour Limbe. Limbe, et après, il y a Mantra. Mantra. Donc voilà, on aura son retour et on l'attend avec impatience. Ça va couiner dans le report. Ça va couiner, bah, c'est pas grave, ça a couiné dans le premier, ça couinera dans le deuxième. Ah, quoi que, il a bon, en tout cas, c'était un super festival, on y retournera, je pense. Bah, on l'aura dit, hein. Merci les gars, l'année prochaine. Ouais. On reviendra. On a fait connaissance de gens sympas. Carrément. C'était très très cool. Et on a passé pas mal de temps avec le groupe Maudit quand même. Hein. Ouais, beaucoup de temps, ouais. comme tes potes en fait. Avec Erwan surtout, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas sûr que ça s'appelle Erwan. Moi, j'ai cru entendre qu'il s'appelait Erwan. Ouais, on a entendu peut-être. Pas sûr à 100%. Erwan. Donc voilà, c'était bien. Donc voilà. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Hein. Et puis, autant pour une prochaine fois. Hein. Voilà. Salut. Des bisous. La bonne soirée. Ou journée. Clap.